بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le cours numéro 11 dans la lecture du livre Fathu Rahim al-Malik al-Allam de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous passons donc au chapitre dans lequel le cheikh va expliquer deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Malik, Al-Maliku lil-Mulki, c'est-à-dire le souverain, celui qui possède la royauté. Il nous dit le cheikh, Ey الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك، c'est-à-dire celui qui a toutes les grandes qualités par lesquelles est unique le roi des rois. C'est-à-dire celle que seul le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul à posséder. Min kamal al-quwwati wal-izzati wal-qudra. Ces qualités qui sont la plénitude de la force, de la puissance et du pouvoir. Wal-ilm al-muhiti. والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة. La science universelle, la sagesse immense et la mise en exécution et en application de sa volonté. وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة. La totale gestion, la gestion totale et parfaite, et la clémence ainsi que la miséricorde totale et parfaite. والحكم العام والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي. Le jugement absolu des mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les cieux et la terre. والحكم العام في الدنيا والآخرة. Ainsi que le jugement absolu dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات. Et le jugement absolu dans les trois choses desquelles ne sortent aucune des créatures existantes. El-Ahkam al-Qadariyya. Premièrement, les jugements liés à la prédestination. حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإيجاد والإعداد والإمداد كلها على مقتضى قضائه وقدره. Du fait que toutes les destinées, l'existence et la disparition faire exister et faire disparaître, donner la vie et donner la mort. Faire exister et préparer et ajouter toutes ces choses se font selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a prédestiné. Thaniyan, wal ahkam shar'iyya, deuxièmement, les jugements religieux, les jugements liés à la religion. حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي كما أخبرهم أن كل حكم يناقض حكمه فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت. Deuxièmement, donc les jugements liés à la religion, du fait de sorte qu'il a envoyé ses messagers, fait descendre ses livres, qu'il a légiféré ses règles, et qu'il a créé la création pour ce jugement, il leur a ordonné de cheminer selon son jugement, dans leurs croyances, dans leurs mœurs et comportements, dans leurs paroles et dans leurs actes, extérieurement comme intérieurement. Et il leur a interdit de transgresser ce jugement religieux lié à la religion. De même qu'il les a informés que tout jugement contredisant le sien est un mal et une ignorance faisant partie des jugements des fausses divinités. Thalithan, wal ahkam al jazaiya, wa huwa al jazaa'u 'ala al a'mali khayriha wa sharriha fi al dunya wal akhirah وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين. Troisièmement, donc, les jugements de rétribution, qui est la rétribution selon les œuvres, bonnes et mauvaises, sur terre et dans l'au-delà, et de récompense, de sorte qu'il récompense les obéissants et punit les désobéissants. وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العام فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. Et tous ces jugements, c'est-à-dire les jugements qu'il vient de citer, les jugements liés à la prédestination, les jugements liés à la religion et les jugements de rétribution, tous ces jugements suivent la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa sagesse et sa dignité à la louange, sa dignité générale à la louange. Et donc, toutes les qualités qu'il vient de citer dans ce passage, depuis le moment où il dit la plénitude de la force, de la puissance et du pouvoir, jusqu'à citer donc son jugement absolu, toutes ces qualités font partie de la signification de sa royauté et sa souveraineté. ومن معاني ملكه أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه المضطرون إليه في جميع شؤونهم. ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه. Également, parmi la signification de sa souveraineté et de sa royauté, le fait que tout ce qui existe, tout ce qui existe, lui appartient. Ils sont tous ses serviteurs et ses créatures, qui sont nécessiteux envers lui, qui ont besoin de lui absolument dans toutes leurs affaires. Aucune des créatures ne peut sortir de son royaume et aucune des créatures ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala pour exister et pour avoir ce dont il a besoin. Aucune des créatures ne peut se passer de lui pour avoir ce qui est utile, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qui lui est utile et repousse de lui ce qui lui est néfaste. ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين ووضع الثواب والعقاب مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. Aussi fait partie de la signification de sa souveraineté et de sa royauté le fait qu'il a fait descendre ses livres et qu'il a envoyé ses prophètes, qu'il guide tout l'univers, qu'il oriente ceux qui se sont égarés, qu'il établit la preuve sur les obstinés et les entêtés, afin qu'il n'ait plus d'excuses pour refuser son message. Et également, le fait qu'il a établi ou qu'il a mis la récompense et le châtiment à la place qu'il faut, et qu'il attribue aux choses le rang qui leur convient. Puis le shir dit كما أن من معاني ملكه أنه كل يوم في شأن. Également, parmi les sens et les significations de sa souveraineté et de sa royauté, le fait qu'il accomplit chaque jour des choses. يغفر ذنبا, il pardonne un péché. ويفرج كربا, et il libère d'une affliction. ويكشف غما, et il enlève une angoisse. ويزيل المشقات, il enlève des difficultés. ويغيث اللهفات, c'est-à-dire qu'il secourt les faibles. ويجبر الكثير. Il apaise les cœurs brisés. ويغني الفقير. Il attribue aux pauvres sa suffisance. ويهدي ضالا. Il guide une personne égarée. ويخذل معرضا موليا. Et il abandonne celui qui se détourne de lui et lui tourne le dos. Et j'en profite ici pour préciser que dans la traduction des éditions Ibn Badis, cette dernière phrase n'a pas été traduite. Puis le shir dit « وَيُعِزُ قَوْمًا » وَيُذِلُّ آخَرِينَ. Il honore des gens et en humilie d'autres. وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَدَعُ آخَرِينَ. Il élève des peuples et il en rabaisse d'autres. وَيُغَيِّرُ مَا شَاءَ مِنَ الْأُمُورِ الْجَارِيَةِ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ. Et il change ce qu'il veut des choses arrivant selon un ordre établi régulier. Et il change ce qu'il veut des choses qui arrivent selon un ordre établi régulier. ليعرف العباد كمال ملكه ونفوذ مشيئته وعظمة سلطانه. Ceci afin que les créatures connaissent, sa totale possession et l'exécution de sa volonté et l'immensité de son pouvoir. Dans cette dernière phrase, le shir, il fait allusion aux choses qui ont l'habitude de se passer selon un ordre établi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide lorsqu'il le veut de contredire cet ordre établi. L'exemple de cela, il y a plusieurs exemples. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans cela, c'est qu'une créature existe à partir d'un père et d'une mère. Une créature naît à partir d'un père et d'une mère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a contredit cette règle dans plusieurs cas. Par exemple, il a créé Isa alayhi salam. Il a créé le prophète Isa alayhi salam à partir d'une mère sans père. Et il a créé également Hawa alayhi salam à partir d'un père sans mère. Son père étant Adam alayhi salam. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa à partir de Adam, sans qu'il y ait dans sa création une femme avant elle. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam Sans père ni mère. Sans père ni mère. Donc ça, c'est un exemple de choses marchant et arrivant selon un ordre établi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a contredit et a changé dans ces trois cas que je viens de citer, comme le Cheikh a dit, afin de montrer et afin que les créatures connaissent, sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède tout et qui fait et accomplit et exécute ce qu'il veut et qu'il est doté d'un pouvoir immense. Également, parmi les exemples à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'ordre qu'il a établi, les créatures naissent, l'être humain naît en ayant deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles, deux bras, un corps, deux jambes, deux pieds. Et il a créé à cet être humain des doigts aux mains et aux pieds, etc. Donc selon son ordre établi, lorsque l'être humain naît, selon son ordre établi, lorsque l'être humain naît, il naît avec tous ses organes et tous ses membres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala contredit cela. Et c'est pour cela que certaines personnes naissent avec des handicaps, avec un handicap. Et tout cela afin de montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout cet univers et qui organise et qui administre tout cet univers. Car si les choses arrivaient constamment toutes de la même façon, les gens ne se poseraient pas de questions. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala contredit des fois cet ordre établi, c'est une chose qui pousse l'être humain à réfléchir et à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui gère tout cet univers. Également, parmi les exemples à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la nuit vient après le jour, et que le jour vient après la nuit. Ceci, c'est l'ordre établi. L'alternance du jour et de la nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala contredit des fois cet ordre établi en faisant rentrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit par l'éclipse lunaire ou solaire. Et également, parmi les exemples de cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme signe et comme grand signe de la fin du monde, Allah subhanahu wa ta'ala va faire lever le soleil de l'ouest. Il va faire lever le soleil à l'ouest. Et également, parmi les exemples à cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme règle dans cet univers que pour obtenir ta subsistance, tu dois faire les causes, sortir de chez toi, aller chercher du travail, afin de pouvoir acheter ce dont tu as besoin pour vivre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a contredit cette règle avec Maryam alayhi salam, lorsqu'elle se consacrait totalement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne sortant pas de son sanctuaire, de sa pièce. Allah subhanahu wa ta'ala lui apportait sa subsistance sans aucune cause extérieure. Et également, parmi les exemples à cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut guérir un malade sans qu'il ne fasse les causes pour être guéri. Et également, à l'inverse, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte qu'un médicament, un remède qui a l'habitude de guérir les gens, n'agisse pas sur certaines personnes. Et également parmi les exemples à cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le feu brûle et dégage une chaleur extrême et intense. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a contredit cette règle lorsque son prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu par son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim et de ne pas dégager de chaleur, mais au contraire, de dégager de la fraîcheur. Et alors, ce feu qui entourait Ibrahim de toutes parts, alayhi salam, fut pour lui une fraîcheur et une source de sécurité. Donc c'est à ce genre de choses que le shir fait allusion ici, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala change ce qu'il veut des choses arrivant selon un ordre établi régulier, afin que les créatures sachent et connaissent sa totale possession des choses de l'univers, son exécution, l'exécution de sa volonté et l'immensité de son pouvoir. Puis le shir dit, Fal Malik yarji'u ila thalathati umur, ou fal mulku yarji'u ila thalathati umur. صفات الملك التي هي صفاته العظيمة Donc la royauté, la souveraineté revient à trois choses. Tout d'abord, les qualités du roi, les qualités du souverain, ou de la souveraineté plutôt, non. Les qualités نعم صفات الملك عفوا صفات الملك التي هي صفاته العظيمة. Donc la première des choses, ce sont les qualités du souverain, du roi, qui sont les qualités d'Allah subhanahu, les immenses qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mulkuhu lit-tasarifi wa shu'uni fi jami'il 'awalim. La deuxième des choses à laquelle revient la souveraineté, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la gestion et toutes les affaires se passant dans tous les mondes, c'est-à-dire le monde supérieur et le monde inférieur. Wa anna jami'a al-khalqi Mamalikuhu wa abiduh. Et la troisième des choses à laquelle revient la souveraineté, c'est le fait que toutes les créatures lui appartiennent et sont ses créatures et ses serviteurs. فَهُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ الْعَالَمِ الْعُلْوِي وَالسُّفْلِي وَلَهُ التَّدْبِيرَاتُ النَّافِذَةُ فِيهَا لَيْسَ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُشَارِكٍ. Il est donc le souverain suprême qui possède les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les cieux et la terre, et qui possède la gestion exécutoire, c'est-à-dire qui gère tout et exécute tout ce qu'il veut dans son univers. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé dans tout cela. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre et le cours d'aujourd'hui. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين